Chapitre 15e, 26 octobre, Rennes. Tout est dit. Mon Dieu, que ce lien était fort, comme il enveloppait tout mon cœur, comme il l'a déchiré en se brisant. Hier soir, à 9h environ, comme j'étais accoudé sur ma fenêtre ouverte, je fus surpris de voir une faible lumière s'approcher de mon logis à travers les allées sombres du parc, et dans une direction que les gens du château n'avaient pas coutume de suivre. Un instant après, on frappa à ma porte, et Mademoiselle de Porouet entra toute haletante. « Cousin, me dit-elle, j'ai affaire à vous. » Je la regardai en face. « Il y a un malheur, dis-je. Non, ce n'est pas exactement cela. Vous allez du reste en juger. Asseyez-vous. Mon cher enfant, vous avez passé deux ou trois soirées au château dans le cours de cette semaine. N'avez-vous rien observé de nouveau, de singulier, dans l'attitude de ces dames? Rien ? N'avez-vous pas au moins remarqué dans leur physionomie une sorte de sérénité inaccoutumée? Peut-être, oui. À part la mélancolie de leur deuil récent, elles m'ont semblé plus calmes, et même plus heureuses qu'autrefois. Sans doute. D'autres particularités vous auraient frappé si vous aviez, comme moi, vécu depuis 15 jours dans leur intimité quotidienne. Ainsi, j'ai souvent surpris entre elles les signes d'une intelligence secrète, d'une mystérieuse complicité. De plus, leurs habitudes se sont sensiblement modifiées. Madame Larocque a mis de côté son bras zéro, sa guérite et toutes ses innocentes manies de créole. Elle se lève à des heures fabuleuses et s'installe dès l'aurore avec Marguerite devant la table de travail. Toutes deux se sont prises d'un goût passionné pour la broderie et s'informent de l'argent qu'une femme peut gagner chaque jour avec ce genre d'ouvrage. Bref, il y avait là une énigme dont je m'évertuais vainement à chercher le nom. Ce mot vient de m'être révélé et quitte à entrer dans vos secrets plus avant qu'il ne vous convient, j'ai cru devoir vous le transmettre sans retard. Sans les protestations d'absolue confiance que je m'empressais de lui adresser, Mademoiselle de Porouet continua dans son langage doux et ferme. Madame Aubry est venue me trouver ce soir en catimini. Elle a débuté par me jeter si vilain bras autour du cou, ce qui m'a fort déplu. Puis, à travers 1000 jérémiades personnelles que je vous épargne, elle m'a supplié d'arrêter ses parentes sur le bord de leur ruine. Voici ce qu'elle a appris en écoutant aux portes, suivant sa gracieuse habitude. Ces dames sollicitent en ce moment l'autorisation d'abandonner tous leurs biens à une congrégation de reines, afin de supprimer entre Marguerite et vous l'inégalité de fortune qui vous sépare. Ne pouvant vous faire riche, elles se font pauvres. Il m'a semblé impossible, mon cousin, de vous laisser ignorer cette détermination, également digne de ces deux âmes généreuses et de ces deux têtes chimériques. Vous m'excuserez d'ajouter que votre devoir est de rompre ce dessein à tout prix. Quel repentir il prépare infailliblement à nos amis, de quelle responsabilité terrible il vous menace, c'est ce qu'il est inutile de vous dire. Vous le comprenez aussi bien que moi à vue de pays. Si vous pouviez, mon ami, accepter dès 7 heures la main de Marguerite, cela finirait tout le mieux du monde. Mais vous êtes lié à cet égard par un engagement qui, tout aveugle, tout imprudent qu'il ait été, n'en est pas moins obligatoire pour votre honneur. Il ne vous reste donc qu'un parti à prendre, c'est de quitter ce pays sans délai et de couper pied résolument à toutes les espérances que votre présence ici a pour effet inévitable d'entretenir. Quand vous ne serez plus là, il me sera facile de ramener ces deux enfants à la raison. Eh bien, je suis prêt, je vais partir cette nuit même. C'est bien, reprit-elle. Quand je vous donne ce conseil, mon ami, j'obéis moi-même à une loi d'honneur bien rigoureuse. Vous charmiez les derniers instants de ma longue existence. Les plus doux attachements de la vie perdus pour moi depuis tant d'années. Vous m'en aviez rendu l'illusion. En vous éloignant, je fais mon dernier sacrifice. Il est immense. Elle se leva et me regarda un moment sans parler. On n'embrasse pas les jeunes gens à mon âge, reprit-elle en souriant tristement. On les bénit. Adieu, cher enfant, et merci. Que le bon Dieu vous soit en aide. Je baisai ses mains tremblantes et elle me quitta avec précipitation. Je fis à la hâte mes apprêts de départ, puis j'écrivis quelques lignes à Madame Larocque. Je la suppliai de renoncer à une résolution dont elle n'avait pu mesurer la portée et dont j'étais fermement déterminé, pour ma part, à ne point me rendre complice. Je lui donnai ma parole, il savait qu'on pouvait y compter, que je n'accepterais jamais mon bonheur au prix de sa ruine. En terminant, pour la mieux détourner de son projet insensé, Je lui parlais vaguement d'un avenir prochain où je feignais d'entrevoir des chances de fortune. À minuit, quand tout fut endormi, je fis adieu, un adieu cruel, à ma retraite, à cette vieille tour où j'avais tant souffert, où j'avais tant aimé. Et je me glissai dans le château par une porte dérobée dont on m'avait confié la clé. Je traversai furtivement, comme un criminel, les galeries vides et sonores, me guidant de mon mieux dans les ténèbres. J'arrivai enfin dans le salon où je l'avais vue pour la première fois. Elle et sa mère l'avaient quittée depuis une heure à peine. Leur présence récente s'y trahissait encore par un parfum doux et tiède dont je fus subitement enivré. Je cherchais. Je touchai la corbeille où sa main avait replacé peu d'instants auparavant sa broderie commencée. Hélas, mon pauvre cœur. Je tombai à genoux devant la place qu'elle occupe, et là, le front battant contre le marbre, je pleurais. Je sanglotais comme un enfant. Dieu que je l'aimais. Je profitai des dernières heures de la nuit pour me faire conduire secrètement dans la petite ville voisine, où j'ai pris ce matin la voiture de Rennes. Demain soir, je serai à Paris. Pauvreté, solitude, désespoir. Que j'y avais laissé, je vais vous retrouver. Dernier rêve de jeunesse, rêve du ciel, adieu.